temps s'est écoulé. Ton amour s'est un peu fané. Tu es devenu âgé. Tu n'as plus envie de jouer. Et moi je rêve encore de conquérir le ciel, de courir vers le soleil, d'un amour sans pareil, de sourire perpétuel, de baiser éternel, de plaisir sensuel, et toujours émerveillé pour juste toi et moi. Moi aussi j'ai vieilli, mais mon désir n'est pas tari. J'ai pas peur des compromis. Le plaisir c'est pas fini. Oui, moi je rêve encore de conquérir le ciel, de courir vers le soleil, d'un amour sans pareil, de baisers perpétuels, de caresses éternelles, de plaisirs sensuels, qui toujours émerveille pour juste toi et moi. Qu'il est vide ce chemin qui s'écarte du tien. L'espoir chaque matin qu'aujourd'hui tu me rejoins. Oui, moi je rêve encore de conquérir le ciel, de courir vers le soleil, d'un amour sans pareil, de caresses perpétuelles, d'étreintes éternelles, de plaisirs sensuels qui toujours émerveillent pour juste toi et moi.